un soir, une autre histoire. Eu pu avoir le signe, d'autres yeux le berlu. Derrière le bar, tu sirotais ta dernière poire. Sur mes bras nus, l'on m'a posé comme des tatouages en rue. Les yeux blafards, renvoyés en travers un sombre regard cyclope. Tu nous voyais pour m'arracher au top. Mon cou si blanc, cerclé d'un collier de diamants, brûlait tes yeux comme un vrai firmament. C'était un soir d'avril, attifé comme une bimbo sans skin. Sorti du club, la fesse fragile. Tu l'ornis dans ton verre en snobant le garçon facile. La fesse fragile, tu l'ornis dans ton verre.